Chapitre 2. Les neuf cavaliers prussiens. Dans notre dernier entretien, mes amis, je vous ai dit l'importante mission dont l'empereur me chargea auprès du maréchal Grouchy. Vous savez que si elle échoua, ce ne fut point par ma faute. Je dus rester enfermé toute une après-midi dans un grenier d'auberge à cause des Prussiens qui m'entouraient de toutes parts. Vous vous souvenez en outre que je surpris les instructions données par le chef de l'état-major prussien au comte Stein, et qu'ainsi je fus mis au courant des dispositions dangereuses qui menaçaient la vie ou la liberté de l'empereur dans le cas d'une défaite française, éventualité à laquelle d'abord je me refusais de croire. Mais le canon ayant tonné tout le jour sans que le bruit s'en rapprochât, il devint évident pour moi que les Anglais avaient dû tenir sur leur position et repousser toutes nos attaques. L'âme de la France, vous ai-je dit, luttait ce jour-là contre le bœuf d'Angleterre. Convenons que le bœuf se montra tenace. Du moment où l'empereur n'arrivait pas à battre les Anglais quand ils étaient seuls, il n'y avait pas apparence qu'il y réussît mieux maintenant qu'il avait sur le flanc ses 60 000 satanés prussiens. En tout cas, le secret dont j'étais détenteur m'obligeait de voler à son côté. Il vous souvient que j'avais, dans des conditions étourdissantes, laissé l'officier anglais fou de rage et me montrant le poing à la fenêtre. Je ne pouvais m'empêcher de rire quand je me tournais pour le regarder, car une auréole de foin lui cernait la figure. Une fois en route, je me dressais sur mes étriers pour revêtir le bel habit de cheval que je lui avais pris. Noir et liseré de rouge, il me tombait jusqu'en haut des bottes, si bien qu'il recouvrait entièrement mon indiscret uniforme. Quant à mon colbac, il en existait de semblables dans l'armée allemande. Ce n'était pas là ce qui attirerait sur moi l'attention. À la condition que personne ne m'adressait la parole, je pouvais traverser sans encombre toute l'armée prussienne. Je comprenais l'allemand, bien des dames m'ayant honoré de leur amitié en Allemagne aux temps heureux où je guerroyais dans ce pays. Toutefois, je le parlais avec un aimable accent parisien qu'on n'eût pu confondre avec leur façon d'articuler, rude et peu harmonieuse. Cette particularité ne manquerait pas de me trahir. Plût à Dieu qu'on me laissât faire mon chemin en silence. Le bois de Paris était si vaste que je ne devais pas songer à le contourner. Je pris donc mon courage à deux mains et m'élançai au galop sur les traces de l'armée prussienne. Je n'avais pas de peine à les suivre, les roues des canons et des caissons les avaient profondément imprimées dans le sol. Bientôt les accotements de la route se garnirent de blessés, tant français que prussiens. C'était la place où les avant-gardes de Bülow avaient heurté les vedettes de Marbot. Un vieil homme à barbe blanche, un chirurgien, je suppose, m'interpella de loin un grand cri. Tout en criant, il courait après moi. Mais je me gardais de tourner la tête et je ne tins compte de ses appels que pour donner vigoureusement de l'éperon. Je l'entendis longtemps encore après l'avoir perdu de vue entre les arbres. Je ne tardais pas à rencontrer les réserves. Les fantassins s'appuyaient sur leurs fusils, ou, rompus de fatigue, se reposaient sur le sol humide. Les officiers, debout, réunis en groupe, écoutaient le puissant rugissement de la bataille et discutaient les rapports qui arrivaient du front. Je voulus passer à toute vitesse. L'un d'eux, se détachant des autres, courut me barrer le passage en me faisant signe de m'arrêter. Quelle minute ! Vous en pâlissez, mes amis. Pensez si mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Mais ni ma présence d'esprit ni mon courage ne m'abandonnèrent. « Maréchal Blücher, m'écriai-je, n'était-ce pas mon ange gardien qui m'avait soufflé ces mots à l'oreille ? Le Prussien s'écarta, salua et du doigt me montra la direction. « Ils sont vraiment disciplinés, ces Prussiens. » Lequel eût osé arrêter un officier porteur d'un message pour le maréchal. J'avais trouvé la formule magique qui m'aplanissait tous les obstacles du chemin. Cette idée me transportait. Elle était si heureuse que je n'attendais plus qu'on m'interrogeât. « Maréchal Blücher, maréchal Blücher » criai-je à droite, à gauche, et l'on s'empressait de me diriger, de me livrer passage. C'est ainsi qu'à de certains moments la suprême folie vaut la plus haute sagesse. Mais il y faut quelque discrétion, et j'avoue que j'allais trop loin, car tandis que je poursuivais ma route, sans cesse plus près de la bataille, un officier de Uhlan prussien saisit tout à coup mon cheval par la bride et me désignant un groupe d'hommes non loin d'une ferme incendiée. « Voilà le maréchal Blücher, me dit-il, allez lui remettre votre message. » Effectivement, C'était le vieux soldat que j'apercevais à une portée de pistolet, avec ses favoris gris et son air terrible. Il regardait de mon côté, mais mon ange gardien me resta fidèle. Je me remémorais subitement le nom du général qui commandait les forces avancées de l'ennemi. « Général Bülow ! » m'écriai-je. Le hulan lâcha ma bride. « Général Bülow ! Général Bülow ! » ne cessai-je plus de crier, cependant qu'à chaque foulée, ma chère petite jument me rapprochait des nôtres. Je traversais, à renfort d'éperon, entre deux colonnes d'infanterie prussienne, le petit village de Plancenoit qui brûlait. Je sautai une haie. Je culbutai un hussard silésien accouru à ma rencontre. Je déboutonnai mon habit pour montrer mon uniforme, et je pénétrai enfin dans les rangs du 9e de ligne. J'avais retrouvé le corps de Lobau. Cédant au nombre, pris de flanc, il se retirait lentement sous la pression ennemie. J'allais de l'avant, toujours au galop, n'ayant plus d'autre souci que de joindre l'empereur. Soudain, un tableau s'offrit à mes yeux, qui m'arrêta net, comme si je venais d'être changé en statue équestre. Je n'avais plus la force de faire un mouvement, à peine respirais-je. Mon chemin gravissait une côte. Parvenu au sommet, je regardais mes pieds l'étroite et longue vallée de Waterloo. J'avais laissé deux grandes armées, chacune sur son versant et séparée de l'autre par un espace libre. À présent, les deux crêtes n'étaient plus bordées que de régiments disloqués, exténués, en haillons. Et une véritable armée de morts et de blessés gisait dans l'intervalle. Ils jonchaient le sol, ou s'y amoncelaient, sur 4 kilomètres de long et 1 kilomètre de large. À la vérité, une scène de massacre n'avait rien de nouveau pour moi, et ce n'était pas cela qui me stupéfiait. C'était qu'aux pentes des hauteurs occupées par les Anglais, une forêt était en marche, noire, frissonnante, onduleuse, massive. Ne reconnaissais-je pas les bonnets à poils de la garde? Ne savais-je pas, mon instinct de soldat ne me disait-il pas que c'était la dernière réserve de la France et que l'empereur, comme un joueur désespéré, jetait avec elle sa dernière carte? La garde montait, montait, majestueusement, solide, inébranlable. Sous les feux de salve qui la fouettaient, sous la mitraille qui la ridait, cette marée sombre et puissante montait, léchant déjà les batteries anglaises. Je voyais, avec ma lunette, les canonniers anglais se jeter sous leurs pièces ou s'enfuir vers l'arrière. Les bonnets à poils montaient, montaient toujours. Une brusque fusillade crépita. Ils venaient de rencontrer l'infanterie ennemie. Ils oscillèrent, hésitèrent. Ils n'avançaient plus. On les contenait. Grand Dieu, était-ce possible? Lâchaient-ils pied? Une tache noire descendait rapidement la colline. Puis il y en eut 2, puis 4, puis 10. Puis ce fut une masse énorme, éparse, qui se débattait, s'arrêtait, cédait, s'arrêtait encore, et qui enfin s'éparpilla dans une dégringolade éperdue. « La garde est battue ! La garde est battue !» C'est le cri qui de partout s'élevait autour de moi. Tout le long de la ligne, les fantassins détournaient la tête, les canonniers s'éloignaient de leurs canons. « La vieille garde est battue ! La vieille garde est en retraite !» Un officier qui passait, livide, hurla ces mots de malheur. « sauf qui peut, nous sommes trahis !» brailla un autre. Les hommes, pris de panique, s'enfuient en désordre avec des bonds de troupeaux épouvantés. À ce moment, ayant regardé la position anglaise, je vis une chose que je n'oublierai jamais. Un cavalier tout seul, en haut de la crête, se profilait sur les feuilles irritées du couchant. Silhouette opaque, immobile, on eût dit, plein au-dessus de cette vallée terrible, l'esprit même des combats. Il leva son chapeau dans l'air. À ce signal, toute l'armée anglaise, avec le grondement sourd et profond d'une vague qui se brise, roula par-dessus la crête, déferla dans la vallée. Longues rangées de rouge et de bleu frangées d'acier, flots irrésistibles de cavaliers, batteries à cheval cahotantes et retentissantes, tout cela se précipitait à la fois sur nos bataillons en ruine. C'était la fin. Un dernier cri monta d'un flanc à l'autre, cri d'agonie des braves qui n'avaient plus d'espérance, et en une seconde, il resta de cette noble armée qu'une multitude affolée, terrifiée, balayée du champ de bataille. Aujourd'hui encore, vous le voyez, mes amis, je n'en puis parler sans que mes paupières se mouillent et que ma voix s'altère. D'abord, je fus emporté dans cette fuite échevelée comme un fétu dans le débordement d'un ruisseau. Mais que vis-je soudain au milieu des régiments confondus? Un groupe de cavaliers à mine rébarbative, vêtus de gris et d'argent, et faisant flotter bien haut à leur centre leur étendard déchiqueté. Oui, les forces unies de l'Angleterre et de la Prusse n'avaient pas raison des hussards de Conflans. Hélas, combien le cœur me saigna quand je les eus rejoints. Ils laissaient sur le champ de bataille le major, 7 capitaines et 500 hommes. Le jeune capitaine Sabatier avait pris le commandement. Quand je lui demandai où étaient les 5 escadrons manquants, « Vous les trouverez autour d'un des carrés anglais, » me répondit-il avec un geste vers l'arrière. Hommes et chevaux n'avaient plus que le souffle. Ils étaient trempés de sueur, couverts de boue, et leurs langues noircies pendaient de leur bouche. N'empêche que j'eus un frisson d'orgueil à les voir, ces revenants, chevauchés encore botte à botte, chacun à sa place exacte, depuis l'élève trompette jusqu'au maréchal Ferrand. Que ne pouvais-je les amener à l'empereur? Sous la garde des hussards de Conflans, ils seraient du moins en sûreté. Malheureusement, les chevaux étaient trop fatigués pour trotter. Je m'éloignai, en laissant au régiment l'ordre de rallier la ferme de Saint-Aunay, où nous avions pris l'avant-veille nos cantonnements. Et pour retrouver l'empereur, je poussai mon cheval dans la cohue. Ce n'était partout, au sein de l'effrayante multitude, que vision dont le souvenir ne devait plus s'effacer de mon esprit. Mes cauchemars ressuscitent encore ces visages livides, hagards, roulés comme par un flot torrentueux, et ces hommes qui hurlent. La victoire vous masque l'horreur de la guerre. C'est au vent glacé de la défaite qu'elle se révèle. Je me rappelle un vieux grenadier de la garde couché sur le bord de la route avec une jambe cassée, repliée à angle droit. « Camarade, camarade, attention à ma jambe » suppliait-il. Mais on butait sur lui, on le piétinait tout de même. J'avais devant moi un officier de la garde dépouillé de sa veste. Il venait de laisser un bras à l'ambulance. Ses bandages s'étaient défaits, c'était horrible. Deux canonniers essayant de se frayer un passage avec leurs pièces, un chasseur épaula son fusil, et l'un des canonniers tomba, frappé d'une balle à la tête. Sous mes yeux, un chef d'escadron de cuirassiers tira ses pistolets de ses fontes, tua son cheval et se suicida. Un homme portant l'uniforme bleu qui s'était rangé à l'écart se démenait comme dans un accès de folie furieuse. Il était noir de poudre, en loques. Une de ses épaulettes avait disparu, l'autre lui pendait sur l'épaule. Je ne reconnus que de tout près le maréchal Ney. D'une voix qui n'avait plus rien d'humain, il implorait ses troupes en fuite. Tout à coup il leva un tronçon d'épée, la lame étant brisée à 3 pouces de la garde. « Venez voir, s'écria-t-il, comment meurt un maréchal de France ?» J'aurais voulu courir à lui, mais le devoir m'appelait ailleurs. Il ne trouva pas, vous le savez, la mort qu'il cherchait. Mais quelques semaines plus tard, il la reçut tranquillement des mains de ses ennemis. Un vieux proverbe dit que les Français sont plus que des hommes dans l'attaque et moins que des femmes dans la défaite. J'en vérifiai la justesse ce jour-là. Pourtant, la déroute elle-même me fit voir des choses dont je puis parler avec orgueil. À travers les champs qui bordent la route se repliaient les 3 bataillons de réserve de la garde commandée par Cambronne. C'était la fine fleur de notre armée. Ils allaient lentement, formés en carré, enseignes déployées par-dessus les sombres files des oursons. Autour d'eux, la cavalerie anglaise et les lanciers noirs de Brunswick faisaient rage, lançant leurs vagues, l'une après l'autre, avec un bruit de tonnerre, puis se brisant avec fracas et s'éparpillant. Au moment où je les perdis de vue, les canons anglais leur envoyaient par 6 à la fois des paquets de mitraille. L'infanterie les arrosait de balles. Mais comme un lion qui porte accroché à ses flancs une meute, ces glorieux débris de la garde s'en allaient sans hâte, ne cessant pas de s'arrêter, de se reformer, de s'aligner. Ils se retiraient avec majesté de leur dernière bataille. Derrière eux, la batterie de la garde ramenait sur la hauteur ses canons de 12. Tous les canonniers étaient à leur place, mais aucune pièce ne tirait. « Pourquoi ne tirez-vous pas ? » demandai-je au colonel en passant. « Nous n'avons plus de poudre. »« Alors pourquoi ne vous en allez-vous pas ? » ?»« Notre présence peut en imposer à l'ennemi. Nous devons donner à l'empereur le temps de s'éloigner. » Voilà ce qu'étaient les soldats de France. Derrière le rideau de brave, les autres reprenaient haleine, et quand ils repartaient, ils semblaient moins désespérés. Ils avaient quitté la route, les champs d'alentour enfourmillés au crépuscule. Ma vaillante bête m'eut bientôt dégagé du désarroi. Au sortir de Genappe, je rattrapai l'empereur et ce qui restait de son état-major. Soult était encore près de lui avec Drouot, Lobo, Bertrand et 5 chasseurs de la garde. Leurs chevaux avaient peine à se mouvoir. Dans l'indécise clarté du soir tombant, L'empereur tourna vers moi un visage blême. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Le colonel Gérard, » lui répondit Soult. « Vous avez vu le maréchal Grouchy ? » ?»« Non, sire. L'armée prussienne était entre lui et moi. » « Peu importe, rien n'importe à présent. Soult, il faut que je revienne là-bas. » Il voulut faire demi-tour. Bertrand saisit son cheval par la bride. « Ah, sire, » dit Soult, « l'ennemi n'a déjà eu que trop de bonheur. » Forcé de suivre son escorte, il continua d'aller en silence, le menton sur la poitrine. Sa grandeur n'avait d'égal que sa tristesse. Très loin derrière nous grondait sans trêve l'impitoyable canonnade. Parfois, dans l'ombre, s'élevaient des cris ou le bruit sourd d'un galop. Alors nous éprenions nos montures pour passer plus vite au milieu des troupes disséminées. Une chevauchée de toute la nuit au clair de lune nous permit de laisser enfin à bonne distance les fuyards et leurs poursuivants. Au moment où nous franchissions le pont de Charleroi, l'aube commençait à poindre. De quel spectre nous avions l'air sous cette lumière froide, claire, scrutatrice. L'empereur avec sa face de cire, Soult barbouillé de poudre, Lobau éclaboussé de sang. Mais rien n'entravait notre marche. Nous ne regardions plus en arrière. 50 bons kilomètres nous séparaient déjà de Waterloo. Nous avions recueilli à Charleroi une des voitures de l'empereur. Nous fîmes halte sur l'autre rive de la Sambre et nous mîmes pied à terre. Vous me demanderez pourquoi, tout ce temps-là, n'ayant pas au cœur d'autre souci que le salut de l'empereur, je n'avais rien dit à personne. En réalité, j'avais essayé de glisser un mot à Soult et à Lobau, mais ils étaient si accablés par le désastre et d'ailleurs s'y occuper des nécessités immédiates que je n'avais pu leur faire sentir l'urgence de ma communication. J'ajoute que durant notre trajet, nous avions eu constamment autour de nous un bon nombre de nos fuyards. Tout démoralisés qu'ils étaient, ils nous protégeaient suffisamment contre une attaque de 9 hommes. Mais tandis que dans le petit matin, nous nous tenions rangés devant la voiture de l'empereur, j'observais avec anxiété que sur toute la longueur de la route blanche, il ne se montrait plus un seul des nôtres. Nous avions gagné de vitesse l'armée entière. J'examinais les moyens de défense dont nous disposions. 4 sur 5 des chasseurs de la garde avaient crevé leurs chevaux. Seul le 5e, un maréchal des logis à moustache grise, avait encore le sien. Quant à Soult, à Lobau, à Bertrand, quel que fussent leurs talents militaires, j'aurais mieux aimé, à l'heure des coups, avoir près de moi un simple brigadier de nos hussards. Restait l'empereur lui-même, le cocher et un valet de pied qui nous avait rejoints à Charleroi. De sorte que, tout compte fait, nous étions 8 hommes. Mais sur les 8, 2 seulement, le maréchal des logis et moi, étions des soldats en état de nous battre et en qui l'on put avoir, le cas échéant, toute confiance. L'idée d'une telle détresse me donna le frisson, et comme à ce moment je levais les yeux, j'aperçus les 9 cavaliers prussiens gravissant une colline. De l'autre côté de la route s'étendait une longue plaine mollement accidentée, que se partageaient des champs de blé mûr et de grasses prairies baignées par la Sambre. Au sud s'élevait une petite hauteur par-dessus laquelle grimpait la route de France. C'était là, sur cette hauteur et suivant cette route, que les 9 cavaliers prussiens venaient d'apparaître. Le comte Stein avait donc exécuté les ordres reçus. Il avait couru au sud pour prévenir l'empereur. Il arrivait de la direction que nous allions prendre et qui était bien la dernière où l'on dut s'attendre à rencontrer l'ennemi. Quand je les découvris, les 9 cavaliers étaient encore à la distance d'environ 1 kilomètre. « Sire, » m'écriai-je, « des Prussiens !» Tout le monde sursauta, ouvrit de grands yeux. Enfin l'empereur rompit le silence. « Qui dit que ce sont des Prussiens ?»« Moi, sire, moi, Étienne Gérard !» On n'apportait pas à l'empereur une mauvaise nouvelle sans provoquer un accès de fureur qu'il passait sur le messager. « Vous n'avez jamais été qu'un bouffon !» me cria-t-il de cette voix rugueuse et rauque. De cette voix corse qu'il prenait quand il ne se possédait plus. Qu'est-ce que cela signifie, des Prussiens? Comment des Prussiens viendraient-ils de cette direction qui est celle de la France? Vous avez perdu le peu d'esprit qui vous restait. Ces paroles me cinglèrent comme un fouet, mais tous nous avions pour lui les sentiments d'un vieux chien pour son maître. On oubliait vite ses colères, on ne lui gardait pas rancune. À quoi bon raisonner et me justifier? J'avais, du premier coup d'œil, reconnu à ses balzanes le cheval de tête. Je savais qu'il portait le comte Stein. Les 9 cavaliers s'arrêtèrent un moment et nous observèrent. Puis, donnant de l'éperon, ils descendirent la route au galop en poussant un hurrah de triomphe. Ils avaient découvert leur proie, ils la savaient à leur pouvoir. Cette charge impétueuse dissipa tous les doutes. « Pardieu, sire !» s'exclama Soult, « ce sont en effet des Prussiens !» Lobau et Bertrand se mirent à courir d'un côté à l'autre de la route comme des poules effarées. le sous-officier de chasseurs lança une bordée de jurons et dégaina. Le cocher le valet piaulait à qui mieux en se tordant les mains. L'empereur s'était comme figé, un pied sorti de la voiture, et moi. Ah, mes amis, moi, je fus magnifique. Où trouver des mots qui rendent justice à ma conduite en cette circonstance solennelle de ma vie? J'alliais le sang-froid à la promptitude. Je sus être imperturbable et alerte, lucide et agissant. L'empereur m'avait traité de bouffon, d'imbécile. Quelle noble revanche j'allais prendre! Sa raison lui faisait défaut, j'y pourvoyais. Combattre était absurde, fuir était ridicule. Une fatigue mortelle aggravait chez l'empereur les inconvénients de la corpulence. Et même en son beau temps, il n'avait fait qu'un médiocre cavalier. Comment donc échapper à ces neuf hommes, élite d'une armée? Ils représentaient les meilleurs cavaliers de Prusse. Mais je représentais, moi, le premier cavalier de France. Tout irait bien si, en les attirant sur moi, je les détournais de l'empereur. L'idée ne m'en fut pas plutôt venue que j'en tirai la conclusion logique. Et de cette conclusion logique, je passai sans délai à l'action. Je courus vers l'empereur qui, maintenant immobile, l'air égaré, se tenait debout sur la route, près de sa voiture, du côté opposé à l'ennemi. « Votre chapeau, sire, votre capote !» lui criai-je, et je lui arrachai capote et chapeau. Je le bousculai comme on ne l'avait bousculé de sa vie. Je le poussai dans sa voiture. Après quoi je bondis sur son cheval, et le fameux arabe blanc s'enleva, plantant le groupe sur la route. « Vous avez saisi mon idée. Peut-être vous demandez-vous comment j'espérais me faire prendre pour l'empereur. Car j'avais la tournure que vous me voyez encore au lieu qu'il avait toujours manqué de prestance, étant en cours de taille et gros. Mais la taille d'un homme ne se remarque pas quand il est en selle, et pour le reste, je n'avais qu'à me courber sur le cheval, le dos arrondi en sac de farine. Je portais le petit tricorne et la capote grise flottante que connaissaient les moindres galopins aux deux bouts de l'Europe. J'avais sous moi le célèbre coursier blanc. L'illusion était complète. Au moment où je pris le galop, les Prussiens n'étaient plus qu'à 200 mètres. Feignant un geste de terreur et de désespoir, je lançai mon cheval par-dessus le petit talus bordant la chaussée. Les Prussiens eurent l'air d'exultation, de fureur et de haine. Ainsi, le loup affamé qui avait vanté sa proie. Cependant que je pressais le cheval à travers la plaine herbeuse, je regardais par-dessous mon bras. Ah, la glorieuse minute où je vis, l'un après l'autre, 8 cavaliers, sauter le petit talus pour me poursuivre. Quant au 9e, entendant des cris et le bruit d'une lutte, je me souvins de notre vieux maréchal des logis et ne doutais point qu'il nous en débarrassait. La route de France était rouverte, l'empereur pouvait repartir. Et il me fallait maintenant songer à moi-même. S'ils me rattrapaient, les Prussiens ne me pardonneraient pas leur déconvenue. Mais ma vie leur coûterait un bon prix. D'ailleurs, je me flattais encore de leur échapper. Avec des cavaliers ordinaires et montant des bêtes ordinaires, c'eût été facile. Malheureusement, j'avais affaire ici à des chevaux et à des cavaliers de choix. La magnifique bête que je montais ne se ressentait que trop des fatigues de la nuit, et l'empereur n'était pas de ces cavaliers qui ménagent une monture. Il y pensait peu, et il avait la main lourde. Mais d'autre part, Stein et ses hommes arrivaient de loin, ils avaient marché très vite, la partie était égale. J'avais cédé à une impulsion si rapide, agi avec tant de célérité, que je ne m'étais pas suffisamment préoccupé de mon sort. Par exemple, ma première pensée aurait dû être de reprendre la direction d'où nous étions venus, de façon à rencontrer les nôtres. En tournant la tête, je vis que les Prussiens s'étaient déployés sur une longue ligne, de façon à me couper la route de Charleroi. Je ne pouvais tourner bride. Du moins, je pouvais obliquer au nord. Je savais que nos troupes couvraient le pays et que tôt ou tard, je tomberais au milieu d'elles. Dans mon émotion, j'oubliais une chose, la Sambre. Je ne m'en ressouvins que quand je la vis, profonde et large, miroitant sous le soleil du matin. Elle me barrait la route. Plus que jamais, les Prussiens hurlaient à mes trousses. Arrivé au bord de la rivière, le cheval refusa d'y sauter. J'eus beau l'éperonner, la berge était haute, le courant très rapide, l'animal tremblait, renâclait, reculait. Les hurlements de plus en plus proches se changeaient en cris de victoire. À cet endroit, la berge formait une anse. Je donnai un coup de rein et j'engageai le cheval à toute vitesse dans la descente. La retraite m'étant coupée, je devais, n'importe comment, traverser la rivière. Soudain, j'eus un frisson d'espoir. Je venais d'apercevoir une maison sur la rive où j'étais et une autre sur l'autre rive. Deux maisons ainsi placées supposent généralement un gué. On accédait à celui-ci par un chemin en pente douce. Je pressai mon cheval. Il entra de l'eau jusqu'à la selle, au milieu d'un sillage d'écume. Un moment, il hésita, barbota. Je me crus perdu, mais il se reprit, et quelques instants plus tard, il abordait la pente opposée. À peine avait-il touché terre que derrière moi, un grand clapotement se faisait entendre. Le premier Prussien entrait dans l'eau. Il n'y avait juste entre nous que la largeur de la rivière. Je repartis grand train, la tête enfoncée entre les épaules à l'exemple de Napoléon, et n'osant me retourner de crainte qu'on ne vît mes moustaches. J'avais du reste, pour les cacher, autant que possible, relevé le col de la capote grise. S'ils s'avisaient de leur bévue, les Prussiens avaient encore le temps de s'en retourner et de rejoindre la voiture impériale. Une fois sur la route, le claquement des sabots me disait à peu près la distance où j'étais de mes poursuivants. Bientôt, il me sembla devenir plus fort, comme si l'on gagnait sur moi. Nous suivions maintenant le sentier pierreux et tout creusé d'ornières qui remontait du gué. En risquant par-dessous le bras un coup d'œil circonspect, je vis qu'un des cavaliers, un hussard, se détachait tout seul en tête de ses camarades. Cet homme était pour moi un danger. Tout petit, sur un énorme cheval noir, il devait à son peu de poids l'avance sensible qu'il avait prise. Il tenait la place d'honneur, elle a ses risques, et il n'allait pas tarder à la prendre. Je fouillais les fontes, hélas, elles ne contenaient point de pistolet, rien que des tas de papier et une lunette. J'avais laissé mon sabre avec Violette. J'aurais eu simplement ma petite jument et mes armes que j'aurais pu tenir tête à ces coquins. Mais j'étais totalement désarmé. L'épée de l'empereur pendait à la selle. Elle était courbe et courte, incrustée d'or à la garde, mieux faite pour briller dans une parade que pour servir un soldat dans la pire extrémité. Nonobstant, je la tirai du fourneau et m'en remis à ma chance. Les claquements de sabots ne cessaient plus de se rapprocher. J'entendais le halètement du cheval, les menaces de mon ennemi. Le sentier formait un coude. Arrivé là, je dressai mon cheval sur les hanches. Je lui fis faire une pirouette qui nous mit, le Prussien et moi, face à face. Le Prussien était trop lancé pour s'arrêter. Il ne pouvait essayer qu'une chose, me jeter par terre. Il risquait la mort, mais il pouvait en même temps me blesser ou blesser mon cheval, assez gravement, pour nous enlever toute possibilité de fuite. L'imbécile, voyant que je l'attendais, se déroba. Il passa sur ma droite. Je me fendis par-dessus l'encolure de ma bête et le perçai de mon épée joujou. Sans doute était-elle de l'acier le plus fin et tranchante comme un rasoir, car c'est à peine si je la sentis entrer. Cependant, quand je la retirai, elle avait 3 pouces de sang sous la garde. Le cheval avait continué de galoper, portant son cavalier. C'est seulement 100 mètres plus loin que je vis la tête du hussard s'affaisser sur la crinière, puis le long du cou, et battre enfin la route. Déjà, je rattrapais le cheval. Il avait suffi d'un instant pour tout ce que je viens de vous dire. Un rugissement de colère s'éleva au milieu des Prussiens quand ils passèrent devant le corps de leurs camarades. Je souris en me demandant s'ils attendaient à trouver chez l'empereur un cavalier et un ferrailleur de cette trempe. Glissant de rechef un regard par-dessous mon bras, je vis que pas un des 7 hommes ne s'arrêtait. Le sort de leurs camarades était peu de chose au prix de leur mission. Ils étaient infatigables et implacables comme des chiens de meute. Mais je menais bien. Mon arabe tenait bon. Je me crus sauvé. Et c'est pourtant à ce moment que je courus le danger le plus terrible. Le sentier se divisait en 2 branches. Je pris la moins large, parce que l'herbe y était plus fournie et le sol meilleur. Imaginez l'horreur dont je fus saisi lorsqu'ayant franchi une grille, je me trouvais dans une cour, entre des écuries et des bâtiments de ferme, sans autre chemin pour en sortir. Ah, mes amis, si mes cheveux sont blancs, n'ai-je pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils le devinssent? Plus de retraite possible. J'entendais comme un roulement de foudre dans le sentier la galopade prussienne. J'inspectai les lieux autour de moi. La nature m'a donné par bonheur cette vivacité du coup d'œil qui doit être le premier apanage du soldat, et surtout du chef ou du cavalier. Entre la longue rangée basse des écuries et des bâtiments de ferme, je remarquai une loge à cochons. Ce qu'il y avait au-delà, mystère. Le devant de la loge était une claie de bois haute de 8 pieds. Le derrière, un mur de pierre surélevé. De l'un à l'autre, l'intervalle mesurait tout au plus quelques mètres. Je n'avais qu'un parti à prendre, si désespéré fut-il. Je lançai mon cheval sur la claie. Il la sauta fort bien. Mais à la descente, Ses pieds de devant portèrent sur le cochon qui sommeillait à l'intérieur. Ses genoux fléchirent, projetés au dehors par-dessus le mur du fond, j'allais tomber sur la figure et sur les mains, au beau milieu d'une plate-bande. Mon cheval était du côté du mur. J'étais de l'autre, et les Prussiens envahissaient la cour. Je me relevai à la seconde, je saisis la bride, et je la tirai à moi. Le mur était bâti en pierre sèche. J'en arrachai quelques-unes pour faire une brèche, puis je secouai la bride. En même temps que de la voix, j'invitais le brave animal à sauter. Un instant après, il m'avait rejoint. J'étais en selle. Une idée héroïque germa dans mon esprit. Si les Prussiens sautaient par-dessus la loge, ce ne serait qu'un nain. Et pour que leur attaque fût redoutable, il faudra d'abord qu'ils fussent remis d'un tel bond. Pourquoi ne pas les attendre de pied ferme et les expédier à mesure qu'ils se présenteraient? Inspiration magnifique, ils apprendraient qu'on ne traque pas impunément un Étienne Gérard. Je cherchais mon épée. Et concevez, mes amis, ce que j'éprouvais en ne rencontrant qu'un four vide. Elle s'en était échappée quand mon cheval avait buté sur ce pourceau du diable. Ah, quel rien absurde tiennent nos destinées! Un pourceau contrebalançait les miennes. Repasser par-dessus le mur et ramasser mon épée, impossible. Les Prussiens étaient dans la cour. Je repris la fuite. Mais pendant un moment, je crus n'être sorti d'un piège que pour tomber dans un pire. L'endroit où je me trouvais était le jardin de la ferme. Un verger en occupait le centre. Alentour couraient des plates-bandes fleuries. Partout régnait un grand mur de clôture. Je réfléchis cependant qu'il devait bien y avoir une entrée quelconque, car on ne pouvait demander aux visiteurs de franchir, pour entrer, une loge à cochons. Je longeai le mur, et comme je l'avais présumé, j'y découvris une porte. La clé était à la serrure, du côté de l'intérieur. Je mis pied à terre, tournai la clé, ouvris la porte. Un lancier prussien à cheval se dressa devant moi. Nous nous regardâmes au blanc des yeux, le temps d'une seconde, puis je ramenai la porte et la refermai à clé. Dans le même instant, un grand fracas suivi d'un grand cri m'arrivait de l'autre extrémité du jardin. Je compris qu'un de mes ennemis, ayant voulu sauter par-dessus la loge, l'affaire avait tourné à cent dames. Par quel moyen me tirer du cul-de-sac où j'étais fourvoyé? Quelques hommes de la bande avaient dû faire le tour de la ferme pendant que les autres s'acharnaient sur mes traces. J'aurais mon épée que je me serais défait du lancier. Mais sortir sans armes, c'était aller au massacre. Cependant, si je m'attardais, l'un ou l'autre des Prussiens escaladerait la loge. Et quand ils m'auraient rejoint, que faire? C'est en de pareilles conjonctures que j'ai l'intelligence la plus éveillée, l'action la plus prompte. Je pris mon cheval par la bride et, rasant le mur, laissant le lancier monter sa garde, je m'éloignai d'une centaine de mètres. Après quoi je me mis, non sans peine, à détacher de la crête du mur un certain nombre de pierres. Cela fait, je me hâtai de revenir à la porte. Comme je l'avais espéré, le lancier, me voyant pratiquer une brèche dans le mur, s'était dit que je voulais me sauver par là. Et je l'entendais qui galopait pour prévenir ma fuite. Je regardais derrière moi. Un cavalier, habillé de vert, et que je savais être le comte Stein, venait de sauter la loge à cochons. Il traversait le jardin au galop furieux de son cheval. Déjà, il chantait victoire. « Rendez-vous, majesté, rendez-vous. Nous vous ferons quartier, » beuglait-il. Je me glissais de l'autre côté de la porte, mais je n'avais pas le temps de la refermer à clé. Stein était sur mes talons, le lancier revenait. Je sautai sur le dos de l'arabe. La campagne m'offrait de nouveau la libre étendue de ses herbages. Avant de pouvoir me poursuivre, Stein était obligé de descendre pour ouvrir la porte, de faire passer son cheval et de se remettre en selle. Je le craignais plus que le lancier, qui ne montait qu'une bête très ordinaire et très fatiguée. Quand j'eus galopé dur l'espace d'environ un kilomètre, je me risquai à regarder en arrière. Stein me suivait à la distance d'une portée de fusil. Le lancier à une distance deux fois égale. Trois autres cavaliers seulement étaient en vue. Mes neuf Prussiens perdaient de l'effectif, la disproportion devenait plus raisonnable. Mais un seul avait beau jeu contre un homme désarmé. Je m'étonnais de n'avoir, durant tout ce temps, rencontré aucun des fuyards de notre armée. Cependant, je réfléchis que j'avais pris fort à l'ouest de leur ligne de retraite, et que pour les rejoindre, je devais obliquer à l'est. Sans quoi il était vraisemblable que mes poursuivants, s'ils arrivaient à me rattraper eux-mêmes, continueraient à me tenir de l'œil tout le temps nécessaire pour que j'allasse me jeter sur quelque partie de leurs camarades arrivant du nord. Comme j'interrogeais l'horizon au levant, j'aperçus un nuage de poussière long de plusieurs kilomètres. Apparemment, il signalait la marche de notre malheureuse armée sur la grande route. Mais j'eus bientôt la preuve que des groupes de fuyards avaient déjà rôdé de mon côté dans les traverses, car je me trouvais tout à coup en présence d'un cheval qui broutait au coin d'un champ. Près de lui, le dos appuyé contre le rebord du chemin, était un cuirassier français horriblement blessé et qui semblait sur le point de mourir. Je bondis à terre et m'emparai de son sabre. Jamais je n'oublierai la transfiguration dont je fus témoin au moment où il leva sur moi des yeux près de s'éteindre. C'était un de ces fanatiques dont je vous ai parlé, un grognard à moustache grise. La suprême vision de son empereur à cette minute lui fut comme une révélation d'en haut. L'étonnement, l'amour, l'orgueil se firent jour à la fois sur son visage pâle. Il balbutia quelques mots, ses derniers mots sans doute, mais je n'étais plus à même de l'entendre, l'arabe m'emportait au galop. De grands fossés coupaient maintenant les prairies. Certains avaient pour le moins 14 ou 15 pieds de large et je tremblais en les abordant. Une glissade eût causé ma perte, mais l'homme chargé de choisir les chevaux de l'empereur s'acquittait bien de son office. L'arabe n'eut pas une défaillance, en dehors de celle qu'il avait retenue au bord de la Sambre. Il franchissait d'un bond chaque obstacle. Néanmoins, je n'arrivais pas à me défaire de ces maudits prussiens. Je n'avais pas plutôt sauté un ruisseau que je me retournais plein d'espoir. Mais toujours, je revoyais Stein menant son balzan ventre à terre. Honneur à mon ennemi pour la façon dont il se comporta ce jour-là. Mesurant de l'œil la distance qui séparait Stein du second cavalier, j'en vins à me demander si je ne devais pas faire une brusque volte-face et l'expédier, comme j'avais précédemment expédié le hussard d'un coup de sabre avant que son camarade pût lui prêter main forte. Malheureusement, les autres avaient gagné du terrain. Je réfléchis que, selon toute probabilité, Stein maniait le sabre aussi bien qu'il montait à cheval et que je n'en aurais pas raison tout de suite. Les autres viendraient à son aide, je resterais sur le carreau. Le plus sage, c'était de continuer à fuir. Une route bordée de peupliers traversait la plaine de l'est à l'ouest. Elle conduisait vers le nuage qui marquait la retraite française. J'y lançai mon cheval. Tout en galopant, je distinguai sur ma droite une maison isolée. Au bouchon qui la décorait, je reconnus une auberge. Plusieurs paysans se tenaient devant la porte, mais je m'en souciais peu. Ce qui m'effraya, ce fut la tache éclatante de deux habits rouges. L'auberge devait recevoir des Anglais. Je ne pouvais ni tourner bride, ni m'arrêter. Je n'avais rien à faire que d'aller de l'avant, à tout risque. Pas de troupes en vue. Si des Anglais étaient là, ce devaient être des maraudeurs ou des égarés, de qui je n'avais pas grand-chose à craindre. Bientôt je vis qu'ils étaient deux en train de boire. Ils flageolaient sur leurs jambes. Impossible de douter qu'ils fussent ivres. L'un d'eux vint se camper en titubant au milieu de la route. « Hé, c'est Bonnet ! Dieu m'assiste, c'est Bonnet !» vociférait-il. Il s'élança, les deux mains tendues, prêt à me saisir. Par bonheur, pour lui, l'ivresse le trahit, il chancela et tomba à la tête la première. Je n'en fus pas quitte à si bon marché avec l'autre. Il s'était précipité dans l'auberge. Juste comme je passais, je l'en vis ressortir avec son fusil. Il mit un genou en terre. Je me penchai sur mon cheval. D'un Prussien ou d'un Autrichien, un coup de fusil n'a pas d'importance. Mais les Anglais, à cette époque, étaient les meilleurs tireurs de l'Europe, et mon ivrogne me sembla suffisamment assuré quand il épaula. J'entendis la détonation, mon cheval fit un écart qui eût désarçonné plus d'un cavalier. Je le crus blessé à mort et près de s'abattre. Mais en me retournant sur la selle, je vis qu'il saignait de l'arrière-train. Je regardai de nouveau l'Anglais. Il venait de mordre une seconde cartouche qu'il introduisait dans le fusil. Le temps qu'il l'eût amorcé, nous étions hors d'atteinte. Ces hommes étaient des fantassins, ils ne pouvaient donc se joindre à la poursuite. Mais je les entendis derrière moi qui faisaient un ourvari de tous les diables, comme on en fait pour rallier les chiens dans la chasse aux renards. Les paysans se répandirent dans les champs, armés de bâtons qu'ils brandissaient et criant eux aussi à tue-tête. Ce n'était plus de tous côtés que gens en métrousse, s'égosillant et gesticulant. Penser que c'était l'empereur que l'on forçait ainsi, et ne pouvoir tenir tous ces coquins sous le vent de mon sabre, mais je me sentais touché au bout de ma course. J'avais fait tout ce qu'on pouvait attendre d'un homme, plus peut-être, dira-t-on. J'arrivais à un moment où je n'apercevais plus une possibilité de salut. Si les chevaux de mes poursuivants étaient fourbus, le mien était non seulement fourbu, mais blessé. Il saignait à flot. laissant sur la blancheur du chemin une longue traînée rouge. Déjà son allure faiblissait, il ne tarderait pas à s'abattre. Une fois de plus, je tournai la tête, et ce fut pour voir les cinq inévitables Prussiens. Stein à 100 mètres en avant du peloton, puis le lancier, puis les trois autres ensemble. Stein avait tiré son sabre, dont il me menaçait de loin. J'étais bien résolu à ne pas m'abandonner. Je tenais à savoir combien de ces Prussiens j'étais capable d'entraîner avec moi dans l'autre monde. À cet instant, toutes les grandes actions de ma vie se représentèrent dans ma mémoire comme sur un tableau, et je sentis que mon dernier exploit couronnait dignement une telle carrière. Ma mort, sans doute, porterait un coup funeste à ceux qui m'aimaient, à mes hussards, à bien d'autres que je ne nommerai pas, mais tous ils avaient à cœur ma réputation, ma gloire. Leur chagrin se colorerait de fierté en apprenant ma chevauchée et mon combat de ce dernier jour. Je raidis mes nerfs, je tirai du fourreau le grand sabre que j'avais pris au cuirassier et serrai les dents pour la suprême lutte. Juste à ce moment, comme l'arabe boitait de plus en plus, je reprenais de la bride, crainte de me trouver tout à coup sur mes pieds en face de 5 cavaliers, lorsqu'une découverte inattendue, en me rendant à l'espérance, m'arracha un cri de joie. Par-dessus un bouquet d'arbres, l'église d'un village dressait devant moi son clocher. Mais il ne pouvait y avoir 2 clochers ensemblables. Tout un coin de celui-ci s'était écroulé, peut-être frappé par la foudre, ce qui lui donnait une forme fantastique. Je l'avais vu 2 jours auparavant, l'église était celle de Gosli. Ma joie ne venait pas tant de la proximité du village que du fait d'être maintenant en pays connu. Cette maison de ferme que j'apercevais à quelque 800 ou 900 mètres, avec son pignon aigu pointant du milieu des feuillages, c'était la ferme de Saint-Tonnet, où j'avais donné rendez-vous au capitaine Sabatier avec les hussards de Conflans. Ils étaient là, mes petits bougres. La question n'était plus que d'arriver jusqu'à eux. À chaque bond, mon cheval perdait de ses forces. Le grondement de la poursuite allait croissant. J'entendais tout près les jurons gutturaux des Allemands. Une balle de pistolet me siffla dans l'oreille. Déchirant de l'éperon mon pauvre arabe, le fouillant avec le plat du sabre, je le poussai à fond de train. Devant moi s'ouvrait la cour de la ferme. J'y voyais scintiller de l'acier. Je m'y engouffrais. La tête du cheval de Stein n'était plus qu'à 10 mètres. « À moi, camarade, à moi » m'écriai-je. J'entendis un bourdonnement pareil à celui d'un essaim en colère qui sort de la ruche. Mon cheval s'abattit. Le magnifique arabe blanc était mort. Je vidai les étriers, tombai en avant sur des cailloux et perdis connaissance. Tel fut le dernier de mes exploits et le plus fameux, mes chers amis. Il fit le tour de l'Europe. Il inscrivit mon nom dans l'histoire. Hélas, tous mes efforts n'aboutirent qu'à donner à l'empereur quelques semaines de liberté, car il se rendit le 15 juillet aux Anglais. Ce ne fut point ma faute s'il ne put rassembler les réserves qui lui restaient en France et livrer un autre Waterloo plus heureux. Eût-il rencontré partout une fidélité comme la mienne, le sort du monde eût été changé. Il eût conservé son trône. Un vieux soldat comme moi n'en serait pas à planter les choux, ni à traîner dans les cafés une vieillesse rabâcheuse. Vous me demandez ce qu'il advint de Stein et de ses cavaliers. Rappelez-vous que je lui avais tué un homme. Des 3 qui étaient demeurés en route, je ne sais rien. Quant aux 5 autres, mes hussards, croyant défendre l'empereur, en dépêchèrent 3. Stein, légèrement blessé, fut fait prisonnier avec l'un des Uhlans. On ne leur conta pas la vérité, jugeant qu'il valait mieux ne laisser courir sur l'empereur aucune nouvelle, vraie ou fausse. Stein resta donc persuadé qu'il avait été à 2 doigts de la plus formidable capture. « Vous pouvez aimer l'empereur, nous disait-il. Je n'ai jamais vu un pareil cavalier ni une pareille lame. » Il ne comprit pas pourquoi. Sur ces mots, j'éclatais de rire. Il l'a su, depuis. Ainsi s'achève comment le brigadier Gérard se conduisit à Waterloo. Par Arthur Conan Doyle.